La contribution que je vais vous présenter, c'est une contribution de praticien, si je puis dire, puisque notre métier à l'ANACT, c'est d'intervenir dans des entreprises sur des problèmes liés au travail. Donc actuellement, c'est beaucoup les risques psychosociaux, l'absentéisme, l'usure professionnelle, les troubles musculo-squelettiques, parfois des problèmes de temps de travail. Et d'intervenir dans les entreprises, de capitaliser, de transférer à grande échelle, notre cible étant définie par le ministère du Travail, étant plutôt les petites et moyennes entreprises. Donc nous sommes un établissement public, hein, nous dépendons directement du ministère du Travail, 85% du budget vient de l'État, 15% de recettes d'intervention, et nous fonctionnons en réseau, c'est-à-dire une tête de pont à Lyon de 80 personnes, et puis un réseau d'associations régionales, les ARACT, dans chaque région, qui interviennent directement auprès des entreprises ou auprès des partenaires relais. Notre caractéristique, c'est que nous sommes un établissement paritaire, comme il en existe d'autres d'ailleurs en France, beaucoup d'autres, c'est-à-dire notre conseil d'administration est tripartite à l'ANACT, un tiers l'État, un tiers représentant des cinq syndicats de salariés, un tiers les cinq syndicats, les trois, non, il y a pour l'instant trois syndicats officiels du patronat. Et pour les ARACT, ils ne sont pas non pas tripartites mais bipartites, puisque sont représentés dans le conseil d'administration les syndicats de salariés et de patrons. Donc au total, notre réseau, c'est 280 personnes. Voilà. Avec 180 intervenants sur les questions de conditions de travail. Le profil, puisque vous êtes plutôt des académiques, pour vous dire un peu, c'est un tiers d'ergonomes, un tiers de sociologues et un tiers du tout venant, gestionnaire divers. Voilà. Alors, moi, ça fait 6 ans que j'ai intégré le réseau ANACT, d'abord sur des problématiques de dialogue social et d'accompagnement à la négociation. Et puis nous avons un contrat de progrès qui s'appelait Progrès, qui s'appelle maintenant Objectif, avec l'État tous les 4 ans. Et il y a 4 ans, il a été décidé par le conseil d'administration, auquel siège le service du droit des femmes, que nous devions intégrer une approche genre, gender mainstreaming, dans nos approches, nos diagnostics, nos recommandations sur les conditions de travail. Donc, je me suis retrouvée donc, en charge de cette problématique, ne connaissant rien au genre, n'étant spontanément par nature pas féministe, même si j'ai retrouvé, il y a 1 ou 2 ans, que mon premier stage ouvrier était dans une usine de Merlin-Gérin et que mon premier rapport de stage, j'avais 20 ans, s'intitulait « Les conditions de travail des femmes ». Et j'avais complètement oublié, mais oublié totalement, que j'avais fait mon premier mémoire, à l'époque par l'ordinateur sur version papier, sur ce sujet. Voilà, donc c'est que j'ai retrouvé il y a 2 ans. Voilà. Alors ce que je vais vous présenter, c'est finalement la problématique genre telle qu'on l'a posée à l'ANACT. Tout de suite, les questions de connaissances auxquelles on a été confrontés, parce que finalement, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de sujets aveugles, genre et conditions de travail, genre et santé, on n'avait pas de données chiffrées sur la santé, etc. Puis une deuxième étape, alors je vois que les numéros, oui, ça ne va pas du tout, mais bon, voilà, 1, 2, 1, 2, 3, on repart. L'objectif, c'était pas de se transformer en statisticien, parce qu'on n'est pas du tout, on n'a pas du tout cette vocation à l'ANACT, mais d'outiller les intervenants du réseau ANACT, les 180, pour chausser les lunettes du genre. Du coup, à partir d'un certain nombre de cas qui ont été mis en œuvre dans notre réseau et par rapport auxquels nos intervenants ont chaussé les lunettes du genre, on a capitalisé une petite méthodologie avec 4 hypothèses. Qui désormais sont utilisées plus ou moins, pas par tout le monde, hein, parce que le genre provoque beaucoup de résistance, donc c'est pas forcément par tous les intervenants. 4 questions à se poser quand on réalise une intervention sur les conditions de travail et qu'on chausse les lunettes du genre. Donc je vais vous les présenter au travers aussi de 2 cas, et puis je vous présenterai rapidement quelques finalement pistes de sortie, aussi bien vis-à-vis des entreprises que vis-à-vis des politiques publiques. Alors, En 2008, donc fin 2008, quand a été décidé que nous devions développer une approche par le genre, le constat qu'on pouvait faire, c'est que toutes nos interventions étaient complètement aveugles au genre, alors que la dimension âge, nous la prenions en compte, notamment par rapport à la problématique des seniors. Par contre, cela faisait une dizaine d'années que nous avions de temps en temps des demandes d'intervention dites mixité, c'est-à-dire des entreprises, du BTP, des transports, de la métallurgie, qui nous posaient la question à quelles conditions de travail introduire des femmes dans des métiers d'hommes. Jamais l'inverse. Et puis cette décision du conseil d'administration de l'ANAC d'intégrer le genre dans le contrat sur 4 ans. Alors en fait, toute la difficulté au début, ça a été de comprendre qu'est-ce que c'était que le genre, d'arriver à le dissocier de la notion d'égalité, parce que quand on posait des questions aux entreprises, le mot genre, ils ne le comprenaient pas, ce qu'ils entendaient ou ce qu'ils comprenaient, c'est qu'il y avait une question d'égalité au sens égalité professionnelle, sauf que nous, ce n'était pas tout à fait l'angle sur lequel on voulait travailler, puisque nous ne sommes pas à la halle de notre objectif, ça n'est pas l'égalité, c'est la santé pour tous. Et donc, les problématiques d'égalité, c'était surtout le recrutement, des questions de féminisation éventuellement, des questions de plafond de verre, de rémunération. Mais finalement, il y avait un angle qui était systématiquement occulté, c'était l'impact du travail sur la santé. Du coup, nous avons, je dirais, opéré un déplacement vers les questions de santé en faisant l'hypothèse suivante, que certains problèmes de santé et conditions de travail qui nous étaient posés seraient plus finement diagnostiqués et prévenus en prenant en compte la question du genre dans l'organisation du travail. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que ça, c'est une vision restrictive. Si je le disais aujourd'hui, je l'élargirais. C'est-à-dire, je pense que poser la question du genre va plus loin qu'affiner un diagnostic. Bon, voilà, mais ça, c'est, on pourra éventuellement en débattre. Par exemple, en prenant un exemple tout bête, un de mes collègues intervient sur les risques psychosociaux dans une grande entreprise. Bon, majoritairement, on était tous aveugles aux gens, si je puis dire, et il me dit, tiens, c'est bizarre, parce qu'un des groupes de travail, une des demandes des salariés, c'est de travailler sur la question des horaires. Je lui dis, ah bon, et qui y a dans ce groupe de travail? Il me dit, majoritairement des femmes. Bon, je me suis dit, c'est typiquement, ça c'était il y a 2-3 ans, un problème de genre, mais que notre démarche sur les risques psychosociaux n'arrive pas à prendre en compte. D'ailleurs, pour l'intervenant, ça apparaît complètement atypique d'avoir un groupe de travail sur les horaires alors qu'on fait une intervention sur les risques psychosociaux. Bon, je pourrais en citer comme ça pas mal. Alors, quand je suis allée regarder du côté de la prévention, finalement, et de tous les dispositifs de prévention des risques, et Dieu sait si on en a dans notre code du travail, par exemple, le document unique d'évaluation des risques n'intègre absolument pas un des problèmes, qui est encore un des problèmes de base d'ailleurs pour tout employeur, c'est la question de la maternité. Au sens, les risques pour la maternité ne font pas l'objet d'une revue obligatoire dans le cadre du document unique d'évaluation des risques. Pareil, les risques pour les emplois à prédominance féminine ou masculine ne sont pas systématiquement scrutés, ce qui fait que le chef d'entreprise, quand il fait sa revue des risques à l'aide de tout un comité, etc., finalement, au bout du compte, il en vient à évacuer, puisqu'il y a une hiérarchie des risques, il en vient à évacuer les risques des emplois à prédominance féminine, parce que finalement, ils sont quand même moins dangereux, moins risqués, etc., etc. J'ai fait une petite analyse aussi sur des accords signés sur les risques psychosociaux. Finalement, en m'apercevant que dans la majorité des cas, les enquêtes prévues n'étaient pas sexuées, que l'articulation des temps n'était pas du tout systématiquement mentionnée comme étant un facteur de tension au travail, et que par rapport à la question des violences, alors qu'elle fait partie de l'accord national interprofessionnel, on parle de violences sexistes, racistes et homophobes, dans tous les accords que j'ai lus, sauf un pour une branche, le mot de sexiste avait disparu. L'accord avait gardé raciste et homophobe, et le mot de sexiste avait disparu. On parlait de violence raciste et homophobe et pas sexiste. Bon, c'est des petites illustrations. Alors, les différentes étapes et comment nous avons travaillé, c'était d'abord en 2009. Personne ne savait, ne sachant ce que c'était que ces questions de genre, nous avons pendant un an travaillé avec des chercheurs pour nous mettre à niveau sur la question du genre. Et on a donc fait un petit appel sur des points qui nous semblaient aveugles, genre et santé, risques psychosociaux, mixité, temps de travail, etc. Et c'est à cette occasion d'ailleurs que nous avons rencontré Régine, puisque Régine Bercot est quand même la seule chercheuse de France qui a envoyé peut-être 100 emails, 100 emails il y a 4 ans, donc fin 2009. C'était vraiment à cette date d'ailleurs. C'est fin 2008, je crois. 100 emails pour demander à donc un certain nombre de contributions qui étaient des états de l'art sur certains sujets, et Régine est la seule qui ait répondu donc sur genre et santé, genre et risques psychosociaux. C'est vous dire que aucun des chercheurs travaillant sur genre ne se sentait légitime. Et d'ailleurs, quand je regardais récemment l'annuaire des chercheurs sur le genre du CNRS, qui a été publié par le CNRS, il y a 2 ans, il y avait uniquement 8 chercheurs qui s'étaient inscrits sur épidémiologie de la santé des femmes et des hommes. Et aujourd'hui, j'ai vu qu'il y en a 45. Donc, il y a des gens, de plus en plus, des chercheurs qui se reconnaissent à travailler de près ou de loin sur ces questions de santé. Alors, en 2010, nous avons surtout fait un travail d'intervention de cas de terrain avec des jours dédiés au genre. Et nous nous sommes fait accompagner par notamment certains chercheurs du réseau GAS, genre activité santé, qui est piloté par Sandrine Caroli. Et puis nous avons ensuite consolidé une méthodologie que je vais vous présenter avec 4 hypothèses genre. Et aujourd'hui, cette méthodologie d'analyse des écarts est reprise dans le cadre des plans d'action égalité. C'est une des reprises par l'action publique, puisque finalement nous avons fait le constat que les écarts de santé, les écarts de parcours, les écarts de rémunération ont les mêmes grandes causes structurelles dans l'organisation et dans les conditions de travail. Alors, venons-en donc aux indicateurs, et c'est un petit peu le sujet. Alors, quand nous intervenons en entreprise, nous demandons toujours un certain nombre de données. On demande des données sur les accidents de travail, des données sur les maladies professionnelles, s'il y en a, des données sur les absences. Parfois, on va plus loin avec des données sur les plaintes. On demande le rapport du médecin du travail, les rapports des CHSCT, etc. Mais en général, ces données ne sont jamais sexuées. Donc, pour pouvoir avoir une démarche genre, la première étape, nous semblait-il, c'était d'abord qu'il nous fallait des chiffres. Des chiffres pour convaincre, parce que sinon, nous étions, alors je ne sais pas s'il faut que ça soit enregistré, nous étions taxés, entre guillemets, de militants, d'idéologues sur le genre, sur le féminisme, sur les femmes, sur etc. Du coup, moi, ma stratégie, c'était de me dire, il faut des chiffres sur la santé des femmes et des hommes. Mais si on demande des chiffres aux entreprises, il nous faut quelques points de repère sur les chiffres au niveau national. Accidents, absences, maladies professionnelles, etc. Alors, c'est des chiffres que nous avons eu pas mal de difficultés à avoir. Je vous donne une illustration également, de toutes les questions qu'on se pose. Et là, actuellement, c'est une question en cours où tout un panel d'entreprises nous a demandé d'analyser les données absentéisme, entre autres selon le sexe, il y a selon la CSP, selon l'âge, selon le secteur, selon la région, etc. Et par exemple, nous nous posons aujourd'hui un certain nombre de questions qui sont pour nous des énigmes et qui reviennent systématiquement sur ce qui n'est pas un échantillon, sur une base de données de plus de 2 millions de salariés. Comment expliquer, par exemple, que ces salariés à temps partiel soient plutôt moins fréquemment absents, mais beaucoup plus longuement absents que les salariés à temps plein? Alors, nous avons des idées, nous avons des hypothèses, etc. Toutefois, ça n'est pas des travaux, même l'IRDES qui travaille sur une base de recherche de la sécurité sociale, ça n'est pas des éléments que nous... nous n'avons pas vu de recherche qui pourrait expliquer ces éléments-là. Un deuxième point, par exemple, qui est également pour nous une énigme, c'est comment expliquer qu'en couple, les salariés, qu'ils soient femmes et hommes, sont beaucoup plus fréquemment et longuement absents que les salariés vivant seuls, et ce, quelles que soient les tranches d'âge. Et la tranche d'âge même qui semble la plus absente, dans ce cas-là, ce serait même les jeunes. Troisième, et ce, sur 500 000 salariés. Donc, c'est quand même des bases de données assez importantes. Ensuite, troisième question, troisième énigme, comment expliquer que les femmes sont plus absentes avec un enfant qu'avec 2, 3, 4? Là aussi, on a des pistes, chacun a intuitivement des éléments de réponse. toutefois très peu d'études. Or, de plus en plus, on est confronté par des demandes d'entreprises qui ne sont pas tant d'ailleurs des demandes d'intervention pour changer, ça c'est un point important, mais qui sont des demandes d'experts, en fait, pour analyser leurs données, leur immense base de données qu'eux-mêmes ne savent pas analyser et qu'ils nous demandent d'analyser. Alors, pour en revenir aux chiffres, et je repartirai de l'intervention de la semaine dernière, enfin de la semaine dernière, du mois dernier, quelques chiffres donc, les premiers que nous avons été chercher, ce sont les premiers que nous demandons aux entreprises. Est-ce que vous avez des accidents de travail, des maladies professionnelles, des absences, des indicateurs sur les risques psychosociaux? Et là, je repars donc de l'intervention d'il y a un mois, là, le 26 octobre, en repartant donc des taux de fréquence d'accidents du travail qui, dans ce tableau, nous présentent que, effectivement, pour 1 million d'heures de travail, finalement, il y a en moyenne 30 accidents pour les hommes et 16 accidents pour les femmes, donc deux fois plus d'accidents pour les hommes que pour les femmes. Sauf que quand on regarde la catégorie ouvrier, on s'aperçoit que finalement l'écart n'est plus si important, on est à 49-41. Alors nous, ce que nous avons voulu faire, parce que depuis 2007, en fait, on n'a plus ce type de données avec des taux de fréquence relativement fins selon le nombre d'heures de travail, on n'a que les chiffres bruts de la CNAMTS, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, nous avons cherché à avoir une vue dans le temps, une vue longitudinale. Et là, en longitudinale, voilà ce qu'on trouve. Alors, en valeur absolue, en nombre d'accidents, on n'est plus en taux de fréquence, on s'aperçoit que la CNAMTS, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, donc, qui couvre 18 millions de salariés, elle communique en 10 ans, on a 11% de moins d'accidents, sauf qu'on voit que cette moyenne cache des disparités très importantes selon le sexe, puisque effectivement le nombre d'accidents de travail des hommes a diminué de 20% et celui des femmes a augmenté de 20%. Alors vous me direz, il faut tout de suite rapporter à l'effectif salarié, sauf qu'actuellement l'effectif, la base sexuée salariée, la CNAMTS ne l'a pas pour un problème informatique, c'est-à-dire à partir des régions et des CARSAT, on perd le 1-2 qu'on avait au départ, on le perd, donc ça nécessite des travaux bien spécifiques. Bon, d'ici 1 ou 2 ans, les systèmes informatiques permettront de le faire. Moi, j'ai essayé de faire des approximations en regardant les évolutions du nombre de femmes sur la base INSEE, de femmes et d'hommes. On s'aperçoit que sur 2000-2010, l'effectif salarié a progressé de 8% et que ça correspond à peu près à 1% pour les hommes en plus de salariés et à 11% pour les femmes. Du coup, on peut se dire que si on rapporte à une base salariée, l'écart qui est de 40 points va se réduire vraisemblablement à 30 points, mais qu'il va réaugmenter si on rapporte au nombre d'heures de travail compte tenu des heures complémentaires supplémentaires des hommes et des heures à temps partiel des femmes. Donc de toute façon, là, il y a une énigme pour expliquer effectivement pourquoi vraisemblablement il y a ces tendances. Alors quand on va un peu plus fin au niveau des secteurs d'activité, on s'aperçoit par CTN que par exemple il y a des secteurs à prédominance masculine comme la métallurgie, la chimie, le bois, où on constate une diminution du nombre en valeur absolue des accidents de travail pour les femmes et pour les hommes qui est relativement similaire. Alors ce sont à la fois des secteurs qui ont perdu beaucoup d'emplois, mais en même temps, on peut faire l'hypothèse, mais tout ça ne sont que des hypothèses parce qu'on n'a aucune étude, qui est que les démarches de prévention touchent à la fois les femmes et les hommes dans leur secteur. Par contre, quand on regarde les deux derniers secteurs d'activité, que sont les activités de service, banque, assurance, administration et santé, nettoyage, travail temporaire, là on s'aperçoit, alors il y a eu une progression de l'effectif, donc vraisemblablement une féminisation, mais que la féminisation des effectifs s'est faite sur des activités exposées et que les politiques de prévention n'arrivent pas à toucher les femmes dans ces secteurs-là, dans leurs emplois en tout cas, puisqu'on constate par exemple en banque, assurance, administration, une diminution du nombre d'accidents de travail des hommes de 18%, or l'effectif n'a pas diminué de 18%, et une augmentation des accidents de travail des femmes de 11%. Bien sûr, c'est bien pire pour la santé, nettoyage, travail temporaire, moins 24% pour les hommes et plus 39% pour les femmes. Alors le seul secteur où j'ai réussi à faire coller les effectifs INSEE avec les effectifs de la CNAMTS, c'est le secteur de l'hôtellerie-restauration, puisque les effectifs collent complètement. Et à ce moment-là, en calculant donc des indices de fréquence, on s'aperçoit que sur 2002-2009, donc sur 7 ans, l'indice de fréquence des accidents de travail pour les hommes a baissé de 15%, tandis que l'indice de fréquence des femmes a augmenté de 36%. Donc l'écart est tellement énorme qu'il mérite question. On sait qu'il y a une répartition sexuée des emplois, que les hommes et les femmes ne sont pas dans les mêmes emplois, que les femmes sont vraisemblablement plus au service, femmes de ménage, les hommes plus dans les cuisines, la bagagerie, la maintenance. Certes, ça pose quand même question. Et à la lumière de ces chiffres, la CNAMTS a décidé de faire paraître des données sexuées dans son prochain rapport de gestion et se dit prête à essayer de commencer à travailler peut-être à une prévention, enfin des politiques de prévention un peu plus différenciées selon les secteurs. Alors quand on regarde les accidents de trajet sur nos 18 millions de salariés où on a quand même plus d'hommes que de femmes, on constate que depuis 2009, depuis 3 ans maintenant, le nombre d'accidents de trajet des femmes a dépassé celui des hommes. Et que sur la période donc 2001-2010, le secteur, bien sûr, où il y a le plus d'accidents de trajet, c'est le secteur des services santé, etc., avec plus 46% d'accidents de trajet pour les femmes dans le secteur santé, nettoyage, travail temporaire, tandis qu'on est à moins 3% pour les hommes. Donc là aussi, un écart énorme. La seule explication pour l'instant qui nous a été donnée, ce sont des accidents de plein pied. Il y a eu 2 hivers très rigoureux. Bon, ça, on le coupera peut-être dans la transcription. Bref, pas d'explication. Or, on sait que si c'est le secteur du service de la santé, du service à la personne, il y a beaucoup de pour les services à la personne, de déplacements entre les domiciles, etc. Alors, pour les maladies professionnelles, je reprends là le tableau qui nous a été présenté la dernière fois. Donc, globalement, pour 10 millions d'heures de travail, on a 13 maladies professionnelles pour les hommes et 16 pour les femmes. Donc, les femmes sont plus touchées que les hommes par les maladies professionnelles, ça on le sait depuis longtemps. Ce qui est intéressant à regarder là aussi, c'est la tendance d'évolution. C'est que sur 10 ans, le taux de croissance des maladies professionnelles pour les femmes est double de celui des hommes, et depuis un an, le nombre de maladies professionnelles reconnues des femmes a dépassé celui des hommes. Et là où on s'aperçoit qu'il y a le plus, effectivement, la croissance la plus importante des maladies professionnelles, c'est par exemple le taux de croissance de 200% des maladies professionnelles pour les femmes, c'est industrie, transport, eau, gaz, électricité, c'est le BTP, c'est les services supermarchés, le commerce non alimentaire, les activités de services banque assurance, les activités santé, nettoyage, travail temporaire. Alors les nouveaux tableaux de maladies professionnelles vont faire que les chiffres vont vraisemblablement diminuer parce que maintenant le processus pour faire reconnaître les maladies professionnelles va devenir plus contraint. Alors, une autre source d'information qui est un réseau qui dépend de l'ANSES, qui est le réseau national de vigilance de prévention des pathologies professionnelles, qui a fait une étude là aussi longitudinale sur 8 ans, à partir de 50 000 pathologies en relation avec le travail. Ils ont fait un distinguo sexué, donc ça c'est vraiment une bonne chose dans cette étude, en constatant finalement pour les hommes, les maladies de l'appareil respiratoire avaient plutôt diminué. Et ce qu'on constate pour les femmes, c'est une explosion des troubles mentaux et du comportement. Alors le plus intéressant là-dedans, c'est le qualitatif. Et c'est de voir que finalement, en 8 ans, au niveau des consultations des gens qui sont venus les voir, donc pour des pathologies en relation avec le travail, progressivement, ils ont constaté qu'en 8 ans, il y avait de plus en plus de femmes, que la moyenne d'âge des femmes était de 43 ans, plutôt plus jeune que les hommes, que les secteurs forcément n'étaient pas forcément les mêmes. Alors si on retrouve des secteurs communs entre les femmes et les hommes, industrie manufacturière, commerce, réparation, auto, mais que pour les hommes on retrouve des gens de la construction, de l'administration publique, ça c'est intéressant, et des transports, communications, alors que chez les femmes on retrouve des gens de la santé, des autres services collectifs sociaux et de l'immobilier, location et services. Alors au niveau des postes c'est encore plus fin, les gens qui sont venus les consulter pour des pathologies donc en relation avec le travail, chez les hommes mécaniciens, ajusteurs de véhicules, tauliers, chaudronniers, maçons, manutentionnaires, pour les femmes, aides de ménage, nettoyeurs domestiques, coiffeurs, spécialistes de soins de beauté et aides-soignants. Alors le plus intéressant, c'est de regarder les nuisances. Dans le rapport, ont été bien notées pour les hommes que les quatre grands facteurs de nuisance pour donc l'ensemble de ces 50 000 pathologies, c'était amiante, dans l'ordre, amiante, consultation pour amiante, port de charge, bruit, solvant et diluant. Pour les facteurs de nuisance pour les femmes, en fait, dans le rapport, ils en ont noté que deux. Violence psychique et mouvement répétitif. Moi, je suis allée retrouver le tableau d'origine qui est dans le rapport. Et en fait, pour voir qu'ils avaient occulté, vraisemblablement inconsciemment, deux facteurs qui sont le port de charge. Parce qu'on a toujours du mal à imaginer que le port de charge est un facteur délétère pour la santé des femmes et qui concerne aussi les emplois qu'elles occupent et les facteurs managériaux. Alors, bon, je ne vais pas m'attarder sur l'enquête Summer 2003, sachant que bientôt il y aura les résultats de 2009 qui montrent qu'une femme sur trois est exposée à la tension au travail, ce qui est le cas de près d'un homme sur cinq. Ce qui est quand même très intéressant, c'est de noter que dans cette enquête Summer, ça concerne surtout pour les femmes notamment, les populations d'ouvriers qualifiés et non qualifiés. Souvent les questions de stress, on les pense en référence au cadre, mais en fait, là d'après la grille de Karasek, c'est celle qui a été utilisée, les personnes qui connaissent le plus grand job strain, si je puis dire, sont pour les femmes les ouvriers qualifiés et non qualifiés, et pour les hommes, en fait, c'est les employés administratifs. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce qui nous a intéressé également, ce qui nous a aidé dans nos interventions, c'est ce qu'on peut tirer des éléments du rapport GOLAC, du Collège d'expertise sur les risques psychosociaux, qui en ont produit une fiche au niveau de la DARES montrant que les femmes et les hommes ne sont pas dans leurs emplois exposés aux mêmes risques psychosociaux, aux mêmes facteurs de risque, les hommes étant plus exposés par exemple à la peur au travail, aux injonctions contradictoires, aux conflits de valeurs, tandis que les femmes sont plus exposées au contact avec le public, aux personnes en situation de détresse, à devoir cacher ses émotions, faire semblant d'être de bonne humeur, à beaucoup moins d'autonomie, et puis surtout plus exposées à la répétitivité et à la violence. Alors une autre enquête montre, par rapport au mal-être, justement, je l'ai prise parce que notre sujet c'est le genre du mal-être ou le mal-être du genre, je ne sais plus, genre et mal-être en tout cas, et que Samotra a intitulé son étude effectivement sur la mesure du mal-être et a révélé que 37% des femmes interrogées déclarent un mal-être contre 24% des hommes. Donc ça, c'est des enquêtes aussi conformes à ce qu'on trouve en Europe, au Québec, en Amérique du Nord. Ce qui est intéressant, c'est de regarder que ce résultat est valable dans tous les secteurs professionnels, systématiquement. Les femmes se disent plus souffrir d'un mal-être que les hommes, sauf pour l'hôtellerie-restauration. Bon, voilà, une énigme. Et une autre énigme, c'est une question particulière de cette enquête Samotras qui est sur les violences au travail. Enfin, ce n'était pas exactement ça. C'est les salariés déclarant avoir été victimes d'intimidation, de menaces ou d'humiliation. Systématiquement, les femmes disent avoir été plus exposées, sauf pour le secteur de la santé et de l'action sociale, où c'est les hommes qui disent beaucoup plus que les femmes avoir été exposées aux violences, aux intimidations, menaces et humiliations. Donc là aussi, c'est une question. C'est aussi un peu le cas de l'administration publique et des transports en communication. C'est le seul cas où les hommes déclarent plus d'exposition que les femmes, si je peux dire. Bon, une enquête, mais on ne va pas s'y attarder, mais c'est la seule du genre, même si la nouvelle enquête Virage va relancer une enquête sur les violences. C'est une enquête dédiée aux violences au travail qui a été faite dans le département 93. Elle a l'intérêt de mesurer aussi bien, ça va des blagues sexistes aux insultes, pornographie, avances sexuelles verbales, attitudes et gestes gênants, avances sexuelles agressives, pelotage, coincé pour embrasser, exhibitionnisme, attouchement sexuel, viol. Il y a vraiment toutes les gradations qui sont d'ailleurs dans le code du travail. C'est ce type d'enquête qu'on n'a absolument pas au niveau national. Alors, l'objectif, donc, comme je vous le disais, pour nous, c'est pas de faire des statistiques. Pour nous, c'était plutôt d'avoir des points de repère, parce que quand on produit des statistiques sexuées dans nos interventions, qu'on demande aux responsables des ressources humaines de nous fournir des données sexuées en matière de santé au travail, le problème, c'est que souvent, on ne sait pas, nous les premiers, les expliquer, les différences entre les femmes et les hommes. Et que, généralement, la réaction, la première qui vient du chef d'entreprise, c'est d'expliquer si c'est en défaveur des femmes. Les femmes sont plus fragiles, les femmes ont des enfants, elles résistent moins à la pression. Enfin, on a toute la panoplie essentialiste, généralement, des raisons qui viennent. Alors, ce que nous avons fait par rapport aux intervenants, pour les aider à chausser les lunettes du genre, c'est que nous sommes partis d'un certain nombre d'hypothèses, des hypothèses genre à vérifier. Alors, ces hypothèses genre, elles sont au nombre de 4. En fait, comme je vous le disais, on demande dans les entreprises des données sexuées sur la santé au travail. On demande également généralement, de plus en plus, mais ce n'était pas le cas avant, des données sur les parcours, la formation, les promotions, le niveau de salaire, la classification, etc. Et en fait, ce que nous cherchons à mettre en lien dans nos interventions, et c'est la première partie en général quantitative de nos interventions, c'est d'arriver à expliquer ces écarts en matière d'effets sur la santé ou d'effets sur le parcours à partir de ces 4 grandes hypothèses. 4 grandes hypothèses qui n'ont rien de très nouveau parce qu'elles sont issues de la recherche. La première, c'est une hypothèse sur l'organisation du travail, sur la répartition sexuée des activités, en considérant que finalement, si dans une entreprise, les femmes et les hommes ne sont pas dans les mêmes emplois, ils ne sont pas donc exposés aux mêmes conditions de travail, donc les effets, effectivement, sur la santé, sur les parcours, ne sont pas les mêmes. Deuxième hypothèse, l'exposition au temps de travail. Nous avons aussi fait l'hypothèse que finalement les femmes et les hommes dans les entreprises, le plus souvent, ne sont pas exposés aux mêmes horaires et n'ont pas le même cumul vie professionnelle, vie familiale. Ce qui explique ou expliquerait des effets distincts sur la santé, sur les parcours. Troisième hypothèse, c'est notre grosse hypothèse, si je puis dire, c'est l'hypothèse travail, conditions de travail que nous avons... si je puis dire, que nous avons identifié à partir notamment de tous les travaux sur l'invisibilité qui avaient été faits au Québec, c'est cette hypothèse d'invisibilité, de la pénibilité, des risques, des violences, des expositions des femmes dans leurs emplois. Et la quatrième grande hypothèse, ce sont les critères, les pratiques de la gestion des ressources humaines qui bloquent les parcours le plus souvent des femmes et qui génèrent à la fois des effets d'usure sur la santé et des effets, bien sûr, sur les carrières. Voilà. Alors, nous les avons... Là, je vous les présente rapidement, mais je les ai de manière beaucoup plus étayée. Donc, chaque hypothèse a fait l'objet d'une fiche de même 8 pages pour nos intervenants détaillant pourquoi l'hypothèse de non-mixité. Pourquoi l'hypothèse sur les temps? Pourquoi l'hypothèse sur le travail? Pourquoi l'hypothèse sur la gestion des ressources humaines? Donc c'est étayé à la fois de résultats de la recherche, de cas, etc. Et voilà. Et d'ailleurs, ces hypothèses-là ont même été reprises aujourd'hui par notre entité qui s'occupe de la question des populations au travail, parce que finalement nous nous sommes aperçus que ces hypothèses genre, on pouvait aussi les remonter d'un niveau en considérant finalement que les organisations de travail fabriquent des populations et que finalement on peut dire il existe une répartition des emplois selon les caractéristiques des populations. Alors les 3 caractéristiques qu'on prend en général nous au sein du réseau ANAT, c'est l'âge, le sexe, l'ancienneté. On ne vient pas encore du tout apprendre d'autres éléments caractéristiques de la population qui pourraient être le niveau de qualification, qui pourraient être, on en parlait à midi, la race, l'ethnicité, qui pourraient être le nombre d'enfants à charge ou de personnes à charge, enfin, etc. Voilà. La deuxième grande hypothèse, c'est le fait que tous les salariés ne sont pas exposés au même temps de travail et ni au même cumul vie professionnelle, vie familiale. Idem que les contraintes du travail, selon les emplois, selon les secteurs, ne sont pas les mêmes et que les pratiques de gestion des ressources humaines, qui valorisent souvent des critères d'ancienneté, des critères de disponibilité géographique, temporelle, etc., fabriquent donc et ont des effets santé et parcours qui fabriquent des populations. Et on est de plus en plus interpellés, nous, dans les entreprises, pour analyser leurs fichiers ressources humaines pour pouvoir en tirer des politiques de prévention en matière de santé. Voilà. Sachant que toutes ces données, ils les ont, mais qu'ils ne savent pas les mettre en lien. Donc à l'aide de... Parce que chacune de ces hypothèses fait l'objet... Alors je vous montrerai dans un exemple. Pour chaque... On a même fait un petit logiciel qui fait que ces quatre hypothèses correspondent à 16 données. Ces 16 données, on en a même produit un logiciel qui les croise de manière automatisée et qui permet de mettre en lien l'hypothèse avec le résultat sur la santé et les parcours. Et donc de valider ou d'infirmer l'hypothèse en question. C'est un premier niveau d'hypothèse. Bien sûr, ensuite, il faut aller sur le terrain pour aller voir plus finement le travail. Voilà. Alors bon, ça c'est un petit peu notre processus d'intervention, avec à la fois un volet démographie du travail, à la fois un volet recueil sur le terrain. Et donc ce que je voulais vous présenter, c'est deux cas. Je regarde au niveau du temps. Notre premier cas, c'est notre premier cas genre. Il date de fin 2008, début 2009. À l'origine, ça n'était pas du tout une demande genre. D'abord, il n'y a pas de demande genre. Donc, maintenant, on passe outre cette question-là. Il n'y a pas de demande sur l'égalité, il n'y a pas de demande sur le genre. Donc, l'idée, c'est de rentrer le genre dans toutes nos interventions. Voilà, c'est plus... Voilà. Et cette demande était sur l'âge, avec une hypothèse de l'entreprise, qui est une entreprise de l'agroalimentaire, 800 salariés, autant d'hommes que de femmes. Donc la question du genre ne se posait pas du tout, puisqu'il y a autant d'hommes que de femmes, sauf qu'ils ne sont pas répartis exactement de la même manière dans les catégories socio-professionnelles. Mais bon, voilà. Par contre, l'entreprise avait une hypothèse forte, c'est qu'il y avait beaucoup d'absences et de troubles musculo-squelettiques, et que c'était dû à l'âge. Et que finalement, elle avait beaucoup de salariés âgés qui devaient générer des TMS de par leur âge, et que finalement, c'est un problème qu'il fallait gérer. Hein, voilà, c'était la pleine période des seniors, il y a 3-4 ans. Et finalement, notre intervenant en conditions de travail qui commençait à avoir un regard genré s'est dit « je vais sexuer les données, au fond. Je vais quand même regarder ce que ça donne, les mêmes chiffres, non pas selon l'âge, mais selon le sexe. » Et finalement, il s'est aperçu que l'âge n'était pas du tout un critère, si je puis dire, discriminant. Alors, je ne sais pas quel est le bon terme à utiliser. En tout cas, ça ne faisait pas ressortir de différence. Par contre, quand on regardait pour les hommes et pour les femmes, on voyait des écarts tellement énormes que finalement, ça valait le coup de creuser cette hypothèse-là. Donc, c'est ce qu'il a fait en regardant notamment les arrêts maladie pour maladie professionnelle reconnue. Donc, ce n'est même pas toutes les absences. On se cantonne uniquement aux maladies professionnelles reconnues qui sont essentiellement des TMS. Et en s'apercevant, par exemple, que sur 5 ans, 59% des arrêts pour maladies professionnelles reconnues concernaient des femmes. Or, elles ne représentaient que 46% dans l'effectif de production. Un deuxième indicateur, alors qu'on n'était pas du tout habitué à regarder, parce que nous, jusqu'à il y a 4-5 ans dans le réseau ANACT, on regardait vraiment uniquement la situation de travail, au sens ergonomique du terme, le poste de travail, à la limite un petit peu l'organisation de travail. Mais des dimensions qu'on ne regardait pas du tout, c'est bien sûr le salaire, bon, en considérant que le salaire, c'était hors de notre champ, le niveau hiérarchique, et on ne regardait pas du tout non plus la question des parcours, donc tout ce qui était entrée, sortie, évolution professionnelle. Donc là, l'intervenant a pu montrer que finalement, ce qui était étrange dans cette entreprise, c'est que l'entreprise avait finalement recruté plus d'hommes que de femmes, alors que c'était une entreprise à parité. Donc finalement, depuis quelques années, il avait décidé, pour faire face au turnover, de recruter plus d'hommes que de femmes, mais finalement, les hommes qu'elle recrutait partaient. C'était peut-être pas les mêmes, mais en tout cas, il y en avait presque autant qui partaient que qui rentraient. Donc, moins de femmes rentraient, mais en tout cas, il y en avait plus qui sortaient. Donc, visiblement, il y avait peut-être quelque chose par rapport à ça. Et le deuxième élément que l'intervenant a mis en lumière à cette époque-là, et c'était révolutionnaire. Quand je le dis, c'était il y a 3-4 ans, mais ça paraît révolutionnaire, nous, dans nos approches de la NAC, c'est d'avoir osé regarder la grille de classification, avec donc les salaires, enfin, les salaires de base. Et montrer que finalement, dans l'atelier, qui avait quand même 500 ouvriers et ouvrières, ou 550, ou je ne sais plus, finalement, les femmes étaient plafonnées au coefficient 180. Alors que les hommes démarraient, en gros, leur niveau de salaire à partir du niveau 180. Donc, il y avait un plafond de verre, non pas des cadres dans l'entreprise, vraisemblablement, mais un plafond de verre vraiment au niveau de la catégorie ouvrière, alors que tout le monde, sur sa feuille de paye, avait ouvrier. Et finalement, ce que l'intervenant a mis en lumière, qui pour vous, au niveau de la recherche, n'est pas du tout nouveau, mais pour nous, c'était révolutionnaire à l'époque, c'était, parce que maintenant, c'est devenu commun de regarder le degré de mixité et la répartition sexuée des métiers et des tâches, c'était de montrer que finalement, dans cet atelier, sur les 500 personnes, finalement, les femmes et les hommes ne faisaient pas le même travail, que les hommes étaient surtout à l'abattage, à la découpe primaire, alors c'était des porcs, je crois, oui, à la maintenance, alors que les femmes étaient beaucoup plus à la découpe secondaire, à la boyauderie, à l'administratif, bien sûr, au conditionnement, à la découpe tertiaire, etc. Voilà. Alors, l'intervention s'est poursuivie, parce que ça ne suffisait pas à ces chiffres, effectivement, par un travail qualitatif. Alors là, je vous renvoie, parce que de ce cas, on en a fait un petit cas un peu vulgarisé qu'on a mentionné dans un petit guide qui est téléchargeable qui s'appelle « La mixité pour améliorer les conditions de travail ». Et finalement, ce que l'intervenant a pu mettre en lumière, c'était qu'on avait toujours dit « les postes des hommes sont plus pénibles que les postes des femmes ». Pourquoi ? Parce qu'on avait toujours pris le critère du temps de cycle comme étant le critère de pénibilité. À savoir, les hommes étaient sur des postes avec des temps de cycle très courts, du genre 20 ou 30 secondes, alors que les femmes étaient sur des postes à des temps de cycle à 40 ou 50 secondes, c'est-à-dire une bête ou une patte, etc., qui arrive toutes les 40 ou 50 secondes. Quand l'intervenant s'est mis, ergonome en l'occurrence, à regarder un autre indicateur qui est notamment le nombre de gestes par minute, il s'est aperçu que finalement, les femmes avaient un nombre de gestes par minute à réaliser beaucoup plus importante que les hommes. Donc ça a fait réfléchir l'ensemble de l'atelier sur finalement les critères utilisés pour juger du fait que les postes des femmes ou des hommes sont pénibles ou pas, sachant qu'on s'est aperçu également que si les postes des hommes étaient pénibles, c'est parce qu'il y avait des dysfonctionnements en amont dans la chaîne de production et que si on arrivait à améliorer l'organisation du travail en amont, les postes des hommes devenaient beaucoup moins terribles, pénibles, si je puis dire. Les femmes pouvaient aller dessus, les hommes aussi pourraient éventuellement aller sur des postes de femmes. Parce qu'on pense, même dans cet atelier, même l'intervenant, il se disait, bon, je vais résoudre le problème en proposant que des femmes aillent sur des postes d'hommes, mais l'inverse n'était même pas pensé, si je puis dire. Alors, un autre cas qui a fait l'objet aussi d'une petite publication sur deux pages que vous retrouvez dans le Travail et Changement, qui est la revue de la NACT, qui a été publié en janvier-février 2012. C'est un travail changement qui s'appelle « Les conditions de travail » et c'est les deux dernières pages. Donc là, l'entreprise est interviewée, etc. En fait, là, c'est une imprimerie avec un petit peu le même type de demande. Une recrudescence de plaintes de salariés. L'entreprise essaye de conjuguer la productivité. Elle a mis en place une nouvelle machine, mais elle voit que les gens sont de plus en plus absents. Finalement, elle confie à l'ARACT le soin d'essayer de comprendre les causes de l'apparition des pathologies. Alors là, notre intervenant, donc là c'était un cas, je crois, l'an dernier ou l'année d'avant. Donc nos hypothèses genre, elles commençaient déjà à être relativement développées. Et là, l'intervenant s'est dit, bah, finalement, moi je pense qu'il y a deux hypothèses. L'hypothèse organisation, c'est-à-dire pour expliquer pourquoi les femmes seraient plus absentes que les hommes. Il y a certainement derrière une répartition sexuée des métiers et puis une pénibilité des postes où se trouvent effectivement les femmes. Mais finalement, le diagnostic a montré que les quatre hypothèses étaient mobilisées et que finalement, il y avait à la fois une division sexuée du travail, une invisibilité de la pénibilité, les parcours, c'est-à-dire une exposition prolongée des femmes dans les mêmes types de postes et un régime de pause distinct pour les femmes et pour les hommes. Alors, je vais vous le présenter. Donc, en fait, là, l'intervenant est reparti au départ de ce qu'il pratiquait habituellement, c'est-à-dire un questionnaire ergonomique qui vise à proposer aux salariés, comme on le fait relativement souvent, les ergonomes le font relativement souvent, proposer, vous savez, une silhouette qui parfois est unisexe, parfois ressemble plutôt à un homme, un silhouette où on demande aux gens de dire où est-ce qu'ils ont mal, notamment pour tous les diagnostics TMS. Donc ce diagnostic a effectivement confirmé que finalement les femmes étaient plus touchées que les hommes, mais quand il a mis en œuvre effectivement un petit peu de démographie du travail, donc de chiffres sur les absences, les postes, etc., il a bien mis en lumière qu'effectivement c'était dans l'atelier du brochage qui comprenait un peu plus 27% de l'effectif que finalement les arrêts maladie étaient les plus importants, mais c'est le cas aussi de l'atelier du pliage. Finalement, il a poursuivi son investigation dans l'atelier du brochage et il a fait un travail un petit peu plus fin sur les postes en montrant que finalement le poste d'aide de finition qui couvre 40% de l'effectif, ben en fait, représente 70% des arrêts maladie, 100% des maladies professionnelles, 90% des accidents de travail, et que par contre, le poste de conducteur qui couvre 20% de l'effectif concerne finalement que 10% des arrêts maladie, 0 maladies professionnelles, 5% des accidents de travail. Et ce qu'il a révélé, on commençait, nous, à être déjà un petit peu aguerri à cette hypothèse-là, c'est que finalement il y avait une répartition sexuée des métiers, que finalement les roses c'était essentiellement les aides de finition roses c'était essentiellement des femmes, et que les bleus, c'est-à-dire les aides de les conducteurs étaient essentiellement des hommes. Et ce petit graphique donc produit automatiquement à partir de nos 16 données a permis de montrer qu'effectivement la palette des emplois des femmes était beaucoup plus faible que la palette des emplois des hommes, puisque les femmes dans l'atelier avaient accès à 5 types de postes et les hommes 9. Et l'intervenant d'utiliser la phrase suivante que je lui reprends, finalement les postes des femmes s'arrêtent ou démarrent ceux des hommes. Alors il est allé voir également le travail hein, et ce qu'il a révélé c'est qu'effectivement, alors outre des problèmes de cadence parce qu'il y avait eu des nouvelles machines de mise en place, finalement des nouvelles machines avec une cadence plus importante, un moins grand nombre de postes, ce qu'il a révélé effectivement c'est que les postures exigées dans les postes d'aide de finition étaient très contraignantes et générait énormément de douleurs et à terme de troubles musculo-squelettiques. Ce qu'il a révélé aussi, c'est que finalement le poids porté par ces opérateurs, essentiellement opératrices, était très important, puisque toutes les 45 secondes, ces femmes devaient porter une cartouche de cahier, qu'une cartouche pèse 20 kg, et que quand vous croisez sur 7 heures, ça fait 11 tonnes par jour. 11 tonnes par jour portées par ces femmes et quelques hommes. Donc c'est quand même tout à fait énorme. Alors ce qu'a révélé également le diagnostic démographique, c'est la question des parcours. Vous le voyez au travers de ce graphique, c'est assez intéressant. Enfin ce graphique, il croise l'âge et l'ancienneté et le sexe. Hein, les trois données classiques, enfin dans nos diagnostics classiques à la NACT, on avait âge, ancienneté, hein, on n'avait pas sexe. Donc maintenant on rajoute sexe. Et là on s'aperçoit que l'entreprise finalement a un petit peu changé sa politique de recrutement et que les 7-8 dernières années elle avait décidé de recruter surtout des hommes, alors surtout des hommes mais aussi quelques femmes, et effectivement l'entreprise a dit ensuite à l'intervenant, finalement comme je pensais que c'était plus un problème de femmes, j'ai décidé de recruter des hommes. Voilà, et ça se voit très bien à travers ce graphique, avec les plus jeunes et les plus anciens, les moins anciens sont effectivement des hommes. Sauf que ce que l'entreprise n'avait pas anticipé, c'est que les hommes, en moyenne, au bout de 3 ans, allaient partir. Et là, on retrouve donc les hommes soit démissionnent, soit sont licenciés, soit le slide prochain va vous montrer que, en fait, les femmes, les hommes sont intégrés dans d'autres postes dans l'entreprise. Ils deviennent conducteurs, aides-conducteurs, massicotiers, enfin presse, il y a toute une série de postes. Alors que les femmes ne bougent pas de leur poste et, à terme, à 50 ans, à 55, sont licenciées pour inaptitude ou partent à la retraite. Et ce graphique-là le montre très bien en montrant que finalement, le poste d'aide de finition est bien un poste d'entrée dans l'entreprise, pour les hommes comme pour les femmes. Sauf que les femmes, une fois qu'elles rentrent, elles y restent et elles sortent à l'extérieur de l'entreprise licenciées ou à la retraite, tandis que les hommes, donc en bleu, 1 est parti à la presse, 5 sont partis conducteurs, 3 aides conducteurs, 2 ont démissionné. Donc, et ils sont partis à l'extérieur. Donc on voit bien là que la question des parcours se surajoute, si je puis dire, et est un facteur d'usure professionnelle très important au-delà de la pénibilité des postes. Alors vous allez me dire, mais pourquoi elle ne pouvait pas bouger? En fait, elle ne pouvait pas, enfin l'entreprise considérait qu'elle ne pouvait pas bouger parce que les autres postes occupés par les hommes, notamment un poste, le poste de massicotier, était considéré, massico c'est celui qui coupe les grands cahiers, était considéré comme extrêmement difficile. Et c'était finalement un goulot d'étranglement. Tous les hommes qui progressaient devaient passer par un poste. Et donc, pour progresser, les femmes auraient dû aussi passer par un poste. Alors, l'hypothèse 2 sur les temps, elle est peut-être un peu anecdotique, mais pas si anecdotique que ça. Un autre élément d'explication pour dire qu'il y avait des postes d'hommes et des postes de femmes, c'est qu'il y avait un accord formel, informel plutôt, dans l'entreprise, qui était que les femmes devaient occuper des postes avec pause, tandis que les hommes pouvaient occuper des postes sans pause. Or, ce qui fait que les hommes occupaient des postes de conducteur de machine, aide-conducteur de machine, etc. Or, ils prenaient des pauses, ces hommes, sur les 7 ou 8 heures, mais ils se relayaient. Mais pour les femmes, on imaginait donc plutôt, enfin, c'était intégré totalement par tous les salariés, managers, responsables, etc., sur finalement un des éléments aussi, la répartition sexuée des postes, un des arguments, c'est cette question du régime des pauses, si je puis dire, différenciées. Alors en fait, cette restitution d'entreprise, d'intervention qui a été faite par un de nos intervenants hommes a été très délicate. Parce que quand, et ça nous a donné une leçon sur la manière d'aborder ensuite les choses en entreprise. Quand l'intervenant, alors le format de nos interventions, comme je le disais à midi, il est quand même très court. Dans les ARAC, le format habituel d'une intervention, c'est 5 jours. Je pense pour que cette intervention-là, il a dû passer parce qu'il y avait des bonus genre financés par le Fonds européen pour avoir un peu plus de jours pour pouvoir regarder le genre. Je pense qu'il y a passé 8 jours. Donc, ce n'est pas beaucoup. C'est pour ça que vous voyez un outil démographique automatisé, etc., permet assez rapidement de voir un certain nombre de choses, mais nécessite quand même d'aller sur le terrain. Le problème, c'est que l'intervenant, il a fait toutes ses analyses et c'est qu'à la fin qu'il a fait la restitution à un groupe du CHSCT avec des femmes, des hommes, etc. Mais ça a été très très délicat au niveau de la restitution parce que les femmes se sont effondrées. De voir, alors ce que je vous ai présenté là, c'est un extrait, il y a 50 slides en fait de détails, des postes, des parcours, etc. C'est vraiment un tout petit extrait. Finalement, de voir la situation dans laquelle elles avaient été pendant des années, a été émotionnellement très très fort, ce qui fait que dans nos interventions désormais, quand on les genre, on préconise de faire des restitutions vraiment progressives pour que progressivement, les parties prenantes intègrent le fait de voir la situation pour les femmes et pour les hommes qui sinon peut être assez brutale et dure à accepter. Voilà, alors en fait c'est quand même un des cas où finalement, alors qu'un certain nombre de nos cas genres ont créé, moi je dirais, un effet de sidération. C'est-à-dire que les entreprises ou les parties prenantes, les salariés, enfin les représentants du personnel, Ils voient ce résultat, ils voient le constat, le diagnostic, les recommandations, et puis ça ne donne pas lieu à une action, parce qu'il y a un sentiment d'impuissance extrêmement fort. Enfin bon, il y a X raisons, vous sauriez bien mieux dire que moi. Et dans ce cas-là, ça a donné lieu à une action, c'est-à-dire que l'entreprise s'est sentie d'arriver à continuer, et sur deux axes, à la fois un pour l'amélioration des conditions de travail et la pénibilité des postes, pour tous, et notamment les postes des hommes. Alors ça, c'est pour faire face à une remarque que nous avons très souvent dans nos interventions. Si vous voulez chausser les lunettes du genre, mais en fait on ne dit plus qu'on chausse les lunettes du genre, on considère que c'est un principe méthodologique. Si vous voulez chausser les lunettes du genre, ah oui, mais vous allez faire de la discrimination positive, vous allez faire des choses que pour les femmes, et voilà, et voilà. Nous, un des arguments qu'on utilise, c'est si on chausse les lunettes du genre, c'est pour voir des choses qu'on ne voit pas d'habitude, enfin, ou qu'on ne veut pas voir, ou qu'on n'arrive pas à voir autrement, des questions de temps, des questions de violence, des questions de harcèlement, des questions de non-mixité, des questions de pénibilité qu'on ne voit pas sinon, etc. Et puis, le but, c'est l'amélioration des conditions de travail pour tous. C'est quand même l'amélioration de la santé pour tous. Donc, un premier groupe de recommandations sur l'amélioration des postes, des conditions de travail pour tous, et puis un deuxième volet de préconisations qui ont été mis en place sur la création de parcours pour ne pas laisser les femmes dans les postes d'entrée, en l'occurrence dans cette entreprise. Alors, ce qui est un petit peu délicat, je dirais, dans des interventions que nous avons, c'est... Et on a le problème pour le travail de nuit, et aujourd'hui qui est en train de monter en puissance, puisque un des syndicats de salariés a fait une saisine auprès de l'État en demandant d'avoir une expertise réelle et sérieuse auprès de scientifiques sur les effets du travail de nuit, sur la prévalence du cancer du sein. Enfin, je vous résume la situation. Or, le travail de nuit, l'interdiction du travail de nuit a été abolie pour les femmes pour des préconisations de l'Union européenne en 2001 pour des raisons de discrimination. Or, pour nous, on est dans le cas typique où une mesure égalité non discriminatoire n'irait pas forcément dans le sens de la santé. Et aujourd'hui, je connais quelques grandes entreprises qui ont beaucoup de salariés qui travaillent la nuit, et on en connaît dans le transport, dans l'énergie, etc., qui aujourd'hui commencent à se poser la question parce que c'est un vrai risque sanitaire. Si effectivement il y a un vrai risque sanitaire, c'est la question des hôpitaux. Et moi, la personne du MEDEF, elle me disait, mais alors, oui, on est très conscients, et ils ont même adhéré maintenant à cette demande du syndicat de salariés, qu'est-ce qu'on va faire toutes nos infirmières dans les hôpitaux? Enfin bon, comment on va travailler? Quel roulement imaginer? Alors que les gens demandent des 12 heures, au contraire, soi-disant, au nom de l'articulation des temps, préfèrent travailler la nuit. Enfin, comment on fait? Donc, cette question de l'égalité dans la différence, c'est-à-dire, par définition, en termes de santé, on est tous différents. Il y a aussi quand même des différences biologiques entre les femmes et les hommes. Comment on les prend en compte dans une approche genre, si je puis dire, dont la visée, c'est peut-être pas tant l'égalité, c'est plutôt, je ne sais pas si c'est l'équité, ou si c'est la prise en compte des besoins spécifiques de chacun, chaque groupe, chaque population, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas forcément donner la même chose à tout le monde, donc c'est pas forcément la même prévention pour tout le monde. Aujourd'hui, on est quand même dans des modèles de prévention assez uniques, la même prévention pour tous. Par rapport à la question des violences, je disais, est-ce que la prévention des violences telle qu'on l'a fait par rapport aux personnels qui sont en contact avec le public, est-ce que c'est exactement le même type de prévention qui doit être faite pour les femmes et pour les hommes, quand on sait que les femmes peuvent être plus affectées par certains types de violences à cause des rapports sociaux de sexe, à cause de... etc. Bon. Ensuite, un deuxième point dont j'ai déjà parlé, c'est quand même ce risque énorme, surtout dans une époque de crise économique, de l'essentialisme, du naturalisme, pour expliquer les écarts, pour... Voilà. En même temps qu'on a tout un discours patronal, ou enfin je ne sais pas s'il est patronal, d'ailleurs j'en sais rien, tout un discours qui veille à rechercher des tas d'arguments pour montrer que la féminisation ou la mixité entraîne une meilleure performance, etc. Bon, nous on est très sceptiques par rapport à ça. Bon, par rapport à la discrimination positive, j'en ai déjà parlé. Effectivement, les questions qu'on se pose, c'est que nous, dans nos interventions, quelles qu'elles soient, sur l'absentéisme, les risques psychosociaux, l'usure, on a tendance à faire des recommandations générales pour tous les emplois, pour tous les secteurs. Est-ce qu'il ne faut pas être beaucoup plus fin? Est-ce qu'il ne faut pas mieux tenir compte des spécificités, des besoins de certains groupes? Voilà, bon, c'est plus des questions. Finalement, pour nous, l'intérêt et les difficultés... Alors, l'intérêt, c'est... Effectivement, dans le monde de l'organisation du travail, des postes dont le référent, c'est surtout la norme de l'homme moyen, le masculin, etc. Donc, ça remet en cause ce modèle de neutralité de genre. Ça enrichit aussi l'approche égalitaire, finalement. Un des points importants aussi que les questions de genre soulèvent, c'est la prise en compte du hors-travail. Et ça, c'est un point extrêmement dur. Extrêmement dur, et nous on le voit au niveau des horaires, que ça soit bouger les horaires, intégrer de la souplesse, intégrer le télétravail, enfin bref, des tas d'éléments qui font que nos organisations de travail ne savent pas aujourd'hui ce que c'est que prendre en compte le hors-travail, voilà, et les besoins du hors-travail. Et puis une question que nous ne sommes pas du tout arrivés à aborder, alors peut-être à travers des questions comme le harcèlement, les violences, on va y arriver, c'est la question du pouvoir dans l'entreprise, du management, de cette ségrégation verticale des emplois qui est voilà, avec un mode encore assez archaïque, bon, qui finalement est encore très très hiérarchisé et qui peut-être pèse plus... sur les femmes que sur les hommes, mais qui pèsent aussi de plus en plus sur les hommes aussi. Alors finalement, pour conclure, donc en termes d'action, finalement nous on a un petit peu deux axes en matière de santé et de conditions de travail. Finalement, comment prendre en compte le genre permet de mieux prévenir les problèmes de santé au travail. Et puis le deuxième axe, qui est l'axe, je dirais, institutionnel, l'axe sur lequel le ministère du droit des femmes agit de plus en plus, le ministère du travail aussi, et c'est l'axe que connaissent les entreprises, c'est l'axe égalité professionnelle. Et dans cet axe égalité professionnelle, nous, notre préoccupation, c'est comment intégrer la question des conditions de travail et de la santé. Parce que les politiques égalité professionnelle, je le disais au début, sont très centrées sur les écarts de salaire, sur le plafond de verre, mais ne prennent pas suffisamment en compte les questions de temps, les questions de conditions de travail et les questions d'effet du travail sur la santé. Alors, dans les entreprises que nous recommandons, bien sûr, c'est de produire des statistiques de sexuées de santé au travail. Sauf que tout le problème, c'est l'interprétation. C'est que produire des données qu'on ne peut pas interpréter, c'est pas évident. Une autre recommandation par rapport au document unique d'évaluation des risques, par rapport à la prise en compte de la prévention des violences sexistes et sexuelles à part entière. Or, actuellement, ça n'est pas encore du tout fait. C'est d'arriver à intégrer les questions de genre dans les approches CHSCT. C'est dans tous les accords collectifs qui sont signés, que ce soit les risques psychosociaux, les seniors, la pénibilité, c'est d'arriver à prendre en compte ces questions de genre. Plus largement au niveau des politiques publiques en matière de santé, ça serait pour nous arriver par exemple au niveau de la Caisse nationale d'assurance maladie d'intégrer une démarche au niveau des CARSAT peut-être d'analyse des données sexuées sur certains secteurs et de pouvoir, tel que moi je l'ai vu au Québec, j'ai vu cette démarche qu'ils appellent l'analyse différenciée selon les sexes qui est quand même très intéressante, qui les a conduits à cibler des secteurs où effectivement les taux d'accidents, de maladies étaient beaucoup. Il y avait un écart très important entre les femmes et les hommes, et pouvoir mener des actions de prévention spécifique. Alors, ils l'ont beaucoup fait pour le secteur public, par exemple chez les policiers. Il y a aujourd'hui au Québec maintenant 40% de femmes policières, hein, il faut voir, et dans les promotions 50%. Et un des problèmes très concrets auxquels ils ont été confrontés, c'était les problèmes de dos qui étaient liés à des problèmes de ceinturon. Au départ, ce n'est que les femmes qui s'en plaignaient. Quand ils ont fait les études, ils se sont aperçus que les hommes en souffraient aussi, et finalement, ils ont pu repenser complètement toute la tenue pour les femmes et pour les hommes. C'est aussi des problèmes de garderie et de crèche. Ils se sont aperçus que le problème numéro un des gens qui travaillaient dans les crèches au Québec, c'était le bruit. Donc, ce n'était même pas un problème de genre directement, c'était le bruit dans les crèches. Et ils ont pu spécifiquement travailler sur ce secteur. Voilà, un autre volet sur lequel on aimerait également travailler en intégrant pleinement la question du genre, c'est la question des horaires de travail. Et donc, peut-être que dans la suite de ce travail sur horaires atypiques et santé, on va pouvoir mieux intégrer la question des horaires atypiques des femmes, ce qui n'est pas encore du tout gagné, et puis la question de l'articulation des temps. Alors, dans le champ de l'égalité, qui vous intéresse peut-être moins, je ne sais pas directement, bon, c'est par exemple introduire des indicateurs santé dans le rapport de situation comparée, c'est travailler à la mixité des femmes dans les métiers d'hommes, mais aussi l'inverse, c'est arriver à intégrer l'objectif d'articulation des temps dans les accords sur le temps de travail. Vous savez qu'un quart des accords sur le temps de travail aujourd'hui inclut un objectif d'articulation des temps. Donc là, il y a encore une marge de progrès énorme. C'est intégrer pleinement ces questions de conditions de travail et de santé dans les plans d'action égalité, etc. Et cette question des conditions de travail, effectivement, semble aujourd'hui, avec la question aussi du temps partiel, de plus en plus devenir une préoccupation des politiques publiques en matière d'égalité.